بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أفاريا جونيس بريزنت جيم لو قرآن الله دي دون لو قرآن ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ce CD, accompagné de son livret, tu vas apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Je te demande d'écouter attentivement cette leçon, alors ouvre grand tes oreilles. De temps en temps, je te poserai quelques questions pour voir si tu m'écoutes bien. D'accord ? Et à la fin, nous ferons quelques activités pour bien retenir la leçon, Inch'Allah. Tu es prêt? Alors allons-y.